Togo, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 26 novembre 2018. Voici la grande édition de cette mi-journée. Les réactions convergent sur la nécessité de rouvrir le dossier d'assassinat du président Melchior Ndadaye avec l'arrestation ce week-end de certains anciens officiers de l'armée burundaise, mais réclament aussi un procès équitable garantissant les droits de la défense pour les présumés auteurs. Vous entendrez à ce propos dans ce journal les présidents des partis Frodebou et Uprona. Et l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par SEM craint un certain blanchiment d'argent par les autorités burundaises à travers l'achat des actions après l'adoption par les deux chambres du Parlement du projet de loi portant réorganisation et fonctionnement de l'entreprise sucrière. Ce sumo, vous entendrez les explications de Faustin Dikoumana, il est président de cette organisation. Et la vision 2045 qui concerne l'extension de la capitale Bujumbura vers les provinces Bubanza et Bujumbura ne vise pas l'expropriation des citoyens, selon Egide Nijimbere, secrétaire permanent au ministère des Travaux publics et de l'Urbanisme. Et ce ministère est en train d'expliquer ce plan aux représentants de la population en province Bujumbura. Vous en aurez également les détails tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Bonjour. L'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par SEM trouve normal la réorganisation du fonctionnement de la société sucrière du Mosso, Sosumo. Faustin Dikoumana, président de cette organisation, réagit à l'adoption par les chambres basses et hautes du Parlement du projet de loi portant réorganisation et fonctionnement de cette entreprise sucrière. Cependant, il redoute que les actions proviendront des autorités du pays par blanchiment d'argent. On l'écoute. D'abord, il faut analyser la capacité de la production de Sosumo, une entreprise qui a 30 ans déjà d'existence, qui a une production encore qui aussi à 20 000 tonnes, alors que des pays comme l'île Maurice, plus petit que le Burundi, produisent à 600 000 tonnes. On n'a pas même pas la capacité de satisfaire le marché intérieur, alors que ça devient une entreprise qui dope les exportations burundaises pour augmenter le made in Burundi. Nous, dans la sous-région, en intégrant le marché commun de la sous-région, le Burundi n'a fait qu'augmenter les importations plus que les exportations. Or, les entreprises comme Sosumo devaient constituer la base productive, rentrer des devises et exportations pour que le pays puisse y trouver son compte. Actuellement, alors, le capital de la Sosumo, la capacité de production, l'investissement, il n'a pas été régulier. C'est pour cela qu'on dit que des fois, on peut accepter qu'une entreprise mobilise des capitaux. La mobilisation des capitaux pour une entreprise publique ou toute autre entreprise est tout à fait normale quand c'est fait selon la loi. Normalement, même dans la sous-région, on devait avoir un marché boursier, régional ou local ici qui permet de faire un réseau pour que des entreprises qui veulent mobiliser les capitaux puissent le faire dans un environnement strictement parlant. Mais dire que la capitalisation de Sosumo, c'est pour les Burundais seulement, alors qu'il y a un phénomène de blanchiment qui se généralise, il ne faudrait pas tomber dans la piège où il y a des gens qui détournent les fonds publics pour s'accaparer les entreprises publiques qui appartiennent à l'État. Il faut voir les gens qui veulent acquérir des capitaux, l'origine de ces fonds qu'ils utilisent. Qu'est-ce qui a manqué pour que la Sosumo se développe ? C'est la mauvaise gestion de la chose publique. C'est ça. C'était une entreprise publique. La mauvaise gestion. On recrute comment ? On donne les marchés comment ? C'est ça. Quels sont les conseils que vous prodiguez à l'endroit de ceux qui sont chargés de la gestion de la Sosumo ? C'est ça la capitalisation, la performance dans la gestion. Mais une concurrence dans la capitalisation. Donc, il faut privatiser même la gestion, mais avec des gens capables qui amènent de l'expertise, avec un cahier des charges précis et clair. Faustin Dikoumana, c'est le président de l'organisation Parsem. Il était au micro de l'Inibel Nivigira. Je vous l'avais dit, le ministériel des Travaux publics et l'Urbanisme dans ses attributions est en train d'expliquer aux représentants de la population en province Bujumbura la vision 2045 qui concerne l'extension de la capitale Bujumbura vers les provinces Bubanza et Bujumbura. Egide Nijimbere, secrétaire permanent au dit ministère, dit que les communes concernées sont celles de Kabezi, Kanyosha, Isale et Mutimbuzi en province Bujumbura, ainsi que Gihanga, Bubanza, Manda et Rugazi en province de Bubanza. Le plan ne vise pas l'expropriation des citoyens. Selon Egide Nijimbere, ceux qui le pourront vont ériger des constructions qu'il faut pour en bénéficier. Suivez-le, ce sont des propos recueillis par Léon Suitalio. Nous, l'objectif, ce n'est pas d'indemniser les gens, l'objectif, c'est d'étendre la vie tout en prenant compte que même la population qui était dans cette circonscription soit bien rétablie dans les droits. Donc, l'indemnisation sera calculée en fonction d'avoir une opportunité pour ceux qui seront déplacés qu'ils aient une vie moyennement viable. Il y en a en ces jours qui se plaignent comme quoi on reçoit des frais incompatibles à leur terre. Vous voyez que le poste étant sur 45, presque 30 ans, le gouvernement va prendre en charge et va aussi prendre en considération du niveau de vie de la population, puisqu'on ne peut pas exproprier une population pour aller l'étendre dans des conditions qui ne sont pas abordables. Le gouvernement prendra compte de tous ces paramètres pour pouvoir établir ces gens déplacés dans des conditions viables. D'ici 2045, il y a un peu plus de 25 ans, est-ce qu'on peut savoir des programmes que vous prévoyez d'ici par exemple 5 ans, 10 ans, comme ça? Les programmes que nous prévoyons vont dépendre du plan quinquennal et du gouvernement. Ce qu'on a fait, on a fait une extension, une vision d'ici 30 ans. Donc, ce sont des programmes qui sont priorisés par le gouvernement. Si on fait à échelle, pour le moment, on va s'adapter au plan du gouvernement. Le plan directeur de la ville de Bujumbura ne concerne pas seulement les constructions des maisons comme vous êtes habitués, mais c'est un plan qui inclut tous les programmes de développement. Même l'agriculture fait partie. Donc, il y a des zones agricoles qui seront incorporées dans la ville de Bujumbura. Égide Nijimbere, secrétaire permanent au ministère ayant les travaux publics et l'urbanisme dans ses attributions. Et les acquéreurs des parcelles du quartier Kigoma du chef-lieu de la province Karoussier qui n'ont pas pu construire des maisons ont 2 mois pour débuter leur mise en valeur. Le responsable provincial de l'urbanisme déplore que ces gens ont eu ces parcelles depuis plus de 5 ans maintenant et plus et n'ont rien fait alors qu'ils ont eu depuis des années tous les papiers leur demandant le début de la construction. Victor Ndekouma Savo parle aussi de fraude pour les acquéreurs de ces parcelles qui se sont arrogés le droit de les vendre à d'autres personnes. Blaise Pascal Kararoumi. Comme l'indique le chef d'antenne de l'urbanisme dans la province Karoussi, les personnes qui ont eu les parcelles viabilisées au chef-lieu de cette province et qui n'ont pas construit ces parcelles sont un effectif de plus de 150 personnes. Victor Ndikouma Savo dit que ces personnes ont 2 mois pour pouvoir débuter les travaux et affirme qu'après cette période, les habitants auront une mise en demeure pour que ces parcelles soient par après réattribuer aux autres. Il faut signaler que parmi ces dernières, il y en a qui ont eu ces parcelles il y a 5 ans et plus, et certains étant même en possession des permis de construire, alors que le contrat stipule que dès la réception de ce document, il n'est donné qu'un délai de 6 mois seulement pour débuter les travaux de construction, explique ce responsable provincial. Victor Ndikouma Savo s'insurge contre les acquéreurs de ces parcelles qui les vendent à d'autres et il parle ainsi d'une fraude de vente des biens de l'État. Il indique qu'un acquéreur se voit incapable de construire la parcelle lui attribuée devrait le contacter pour que la parcelle soit réattribuée à quelqu'un d'autre. Victor Ndikouma Savo dit que les personnes qui ont eu ces parcelles du nouveau quartier de Kigoma depuis son installation en 2009 et qui les ont gardées sans les construire freinent le développement du chef-lieu de la province Karoussi. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Merci Blaise. Politique maintenant. Le parti Savagnin Fodébou se dit satisfait de la réouverture du dossier d'assassinat du président Melchior Ndadaye. Le président de ce parti indique que cela va permettre de connaître la vérité sur ce dossier. Pierre Claver Nahimana demande plutôt à la justice de faire de même pour les dossiers similaires. On l'écoute. Ça faisait longtemps que le parti Savagnin Fodébou réclamait que ce procès puisse être réouvert et qu'il puisse continuer jusqu'à son aboutissement. Pour que les vrais auteurs de ce coup d'État et les assassinats qui s'en sont suivis soient traduits devant la justice, pour que la population burundaise puisse connaître toute la vérité sur ce qui s'est passé. Nous demandons aussi que la justice puisse aller de l'avant et prendre à main tous les cas d'assassinats assimilés à des assassinats politiques que nous avons vus dans la suite et qui sont restés des mystères. Est-ce que il y a 4 qui ont été arrêtés? Estimez-vous qu'il y aurait d'autres qui n'ont pas encore été touchés? Le procureur général de la République a réouvert ce procès. Alors, nous n'allons pas nous insérer dans les procédures de la justice. Nous nous imaginons que, à ce stade, la justice a dit, écoutez, on commence par cela. Nous imaginons que la justice, probablement, à d'autres dossiers, mais en ce qui nous concerne, nous prenons cela comme une procédure. En ce qui concerne le parti Savagnin Fodébou, nous sommes prêts à témoigner parce que nous aussi, nous avons fait nos propres enquêtes parce que, ne l'oubliez pas, Le président Melchior Ndadaye et ses compagnons, la plupart de ses compagnons qui ont été assassinés suite à ce coup d'État, c'était des membres du Parti Savonien Afro-Débou. Il y avait d'autres qui avaient été arrêtés, des militaires subalternes. Vous n'aviez pas été satisfait? Assurément pas, parce que justement nous réclamions que le dossier soit réouvert, parce qu'on voyait très bien, vu l'ampleur que ce coup d'État a prise, vu tous les dégâts politiques et sécuritaires qui ont eu lieu, il y avait certainement des commanditaires plus forts que ces subalternes. C'était Pierre Claver Nahimana, président du Parti Savanya Frodibou, au téléphone avec Aubin Niyonguru. Et au Parti Prenant, on estime que les membres du Parti Prenant qui auraient participé à la planification de l'assassinat du président Melchior Ndadaye l'ont fait à leur propre compte, car ils n'ont pas eu l'aval des membres du parti. C'est en tout cas le point de vue du président du parti de Louaga Soré après l'arrestation ce week-end de 4 anciens officiers de l'armée burundaise. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans l'assassinat du héros de la démocratie. Abel Gachati demande à la justice d'être impartiale et souhaite que les coupables répondent de leurs actes. Selon lui, la justice devrait également se pencher sur les auteurs des massacres qui ont suivi l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Suivez Abel Gachati, il répond aux questions de Charles Makoto. Au sein du Parti Prenant, c'est un parti qui milite en faveur de la justice. On doit quand même reconnaître que notre pays a une justice qui doit travailler. Mais ce que nous demandons est que la justice soit équitable. L'assassinat du héros de la démocratie date de 1993 et on a vu qu'après l'assassinat de Melchior Ndadaye, il y a eu assassinat d'autres Burundais, d'autres hypronistes. Donc je pense que l'arrestation de ces militaires devait être faite méthodiquement. Et surtout, ne pas prendre une partie des gens. Il faut quand même qu'il y ait d'autres Burundais, il y a d'autres gens connus qui circulent à travers tout le pays, mais qui ont trempé dans les massacres de 1993. Donc, le procureur général de la République devrait planifier à poursuivre tous ces gens-là qui ont trempé dans les massacres de 1993. Il faut que les gens arrêtés soient écoutés sans qu'il y ait quand même penchant, interrogés et rétablir la responsabilité de tout un chacun, définir ceux qui sont coupables et définir ceux qui ne sont pas coupables. Il y a cet héros cadre du parti prenant qui sont pointés du doigt, qu'ils auraient une part de responsabilité dans le meurtre du président Ndadaye. Est-ce que le parti Prenant est-il disposé à répondre devant la justice si une fois le parti est saisi? Ce que je peux dire sur cette question, accuser quelqu'un, il faut avoir des preuves. Mais à ce que je sache, au sein du parti Prenant, on n'a jamais organisé une réunion allant dans le sens de planifier pour l'assassinat du président Ndadaye. S'il y a un hyproniste accusé de tremper dans l'assassinat du président Ndadaye, il faut qu'il soit poursuivi personnellement sans impliquer le parti Prenant et dans le strict respect de la loi burundaise. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Actualité sportive à présent, la formation Aigle Noir de Makamba est provisoirement première du championnat national de football en première division. C'est après avoir gagné le match de ce dimanche contre Bumamuru de Chibito, qui c'est au moment où la formation messager Bujumbura est 16e et dernière du championnat. Il a égalisé samedi avec Flambeau de l'Est et de Ruyigi. Et le tournoi national de basketball de la Coupe du Président était dans la phase des demi-finales en fin du week-end. Les détails avec Evariste Zikobanyanga. En fin du week-end dernier, le championnat national de football en première division était à la fin de la phase aller. La formation Aigle Noir est provisoirement classée première avec 41 points. C'est après sa victoire d'un but à zéro ce dimanche contre Bumamuru de Chibitoke. En deuxième position vient la formation de Musongati avec 34 points. C'est après avoir dominé Ngozi City sur le score de 5 buts à 1. Buja City est troisième avec 28 points. C'est après avoir battu Olympic Star sur le score fleuve de 7 buts à 2. Vitalo est provisoirement quatrième avec 28 points. 22 points et un match que cette formation n'a pas encore joué. Ngozi City est 5e avec 22 points et a perdu le dernier match de la phase aller contre Musongati de Gitega. En 16e et dernière position se trouve Messager Bujumbura avec 8 points. Elle a égalisé avec Flambeau de l'Est un but partout lors du dernier match de la phase aller. Football toujours, les équipes de Vitalo et Messager Ngozi vont livrer 2 matchs internationaux au milieu de la semaine. Ce mardi, la formation de Vitalo croisera le fer contre le club New Star du Cameroun. Le match se déroulera dans la ville de Douala. Ce match s'inscrit dans le cadre du championnat d'Afrique de la Coupe de la Confédération. Et au championnat d'Afrique des clubs champions, Messager Ngozi va accueillir ce mercredi sur la pelouse du stade Rukundo de Ngozi, Ismaïdia de l'Égypte. Et au basketball, le tournoi national de la Coupe du Président était en phase de demi-finale le week-end passé. Côté filles, samedi, Berkostar a battu Young Sisters de Ngozi 47 points à 24. Ce dimanche, les Gazelles a battu Aigle Noir de Makamba 58 à 27 points. Côté garçon, Dynamo a éliminé samedi Taguette de Ngozi sur le score de 67 à 63 points. Tandis que ce dimanche, Urunani a éliminé Gymkhana sur le score de 67 points à 59. Merci Évariste Nzikobanyanga, c'est sur ces nouvelles sportives que nous bouclons ce journal. Avant de nous séparer, en voici les grandes articulations. Les réactions convergent sur la nécessité d'ouvrir le dossier d'assassinat du président Melchior Ndadaye avec l'arrestation ce week-end de certains anciens officiers de l'armée burundaise. Toutes réclament aussi un procès équitable garantissant les droits de la défense pour les présumés auteurs. Et l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par SEM craint un certain blanchiment d'argent par les autorités burundaises à travers l'achat des actions après l'adoption par les deux chambres du Parlement du projet de loi portant réorganisation et fonctionnement de l'entreprise sucrière Sosumo. Enfin, la vision 2045 qui concerne l'extension de la capitale Bujumbura vers les provinces Bubanza et Bujumbura ne vise pas l'expropriation des citoyens, selon Egide Nijimbere, secrétaire permanent au ministère des Travaux publics et de l'urbanisme, qui est en train d'expliquer ce plan aux représentants de la population en province de Bujumbura. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. C'est Toussaint Mitebouti qui l'a mis en onde au micro. Jean Bosco Ndouimana, un bon après-midi.